Les jaloux ils croient qu'ils méritent. Mais que je drop, moi je mérite. Ils me voyaient top de vente alors ils croyaient que j'étais fini. Je vous montre encore que c'est pas fini. Je te parle de ton destin, tu me parles des autres. Je pensais pas que t'allais trahir, on était proches. Tu te retrouves seul comme un sgeg, c'est pas ma faute. Tu fais des poussettes, on le sait, je trouve ça moche. Je suis en forme, j'ai les dents, prouvez-moi ça. J'ai pas le temps, tiens, n'a pas vu de comme ça. Je réponds plus sur WhatsApp, et c'est comme ça. J'éteins le portable, c'est les vacances, c'est ok, c'est bon ça. Écœuré, mais t'inquiète-moi, ça, je vais pas pleurer. Ils font la mala, ils s'achètent pas mes CD. Mais c'est quoi ces salopes, y'en a marre, fradé. Faire des scores de malade, j'aurais pu passer en télé. Pour plus qu'on me voit, ouais, j'suis pas comme ça, faut pas rêver. J'aurais pu vivre comme un pacha, parce que mon cœur a saigné. Mais j'oublie pas d'où j'viens, t'inquiète pas, fradé. Pas de la soirée gala, j'préfère rester seul. Ils aiment pas les balances, font les gros, après ils font les mal aimés. J'suis béné, béné, mais tout va béné, béné. Je peux qu'avancer la tête claire, j'vais pas me gêner, gêner. Le cœur gelé, gelé. Je vais pas bégayer, ça fait longtemps que je veux le faire. Tu me dégoûtes en effet, donc sur toi je tire un trait. Et te cache, je suis un homme fort, je vais tracer. Tiens, jaloux, on le sait, tout oublier, on essaie. T'es pas un bon, t'es un fake, on entend.